Exercice 1, page 16. A. Faux. Photo. B. Qui. Kiwi. C. Si. Si. D. Car. Quatre. E. Cœur. Ce. F. Cause. 13. G. Raison, son. H. Agité, ajouté. I. Percussion, perçu. J. Kilo, quitter.